veux pas passer un nouvel été sans amour. Je ne veux pas passer un nouvel été sans amour. Je ne veux pas passer un nouvel été sans amour. Mieux vaut trépasser qu'un nouvel été sans amour. Je ne veux pas passer un nouvel été. Été sans amour. Où es-tu mon amour? Hier j'ai tellement bu que j'ai dormi sur le trottoir. Hier j'ai tellement bu que j'ai dormi sur le trottoir. Hier j'ai tellement bu que j'ai dormi sur le trottoir. Les voitures qui roulaient au loin, on aurait dit la mer. Les voitures qui roulaient, qui roulaient au loin, on aurait dit la mer. Où es-tu mon amour? Cette fille me regarde en humant l'air à sa fenêtre. Cette fille me regarde en humant l'air à sa fenêtre. Cette fille me regarde en humant l'air à sa fenêtre. Elle a l'air d'une star, pourtant c'est moi la vedette. Elle a l'air d'une star, pourtant c'est moi qui suis la vedette. Où es-tu mon amour? Je ne veux pas passer un nouvel été sans amour. Je ne veux pas passer un nouvel été sans amour. Je ne veux pas passer un nouvel été sans amour. Mieux vaut trépasser qu'un nouvel été sans amour. Mais Tony, tu me fais la gueule !